Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un humoriste niçois, que j'appelle le sniper de Facebook. Voilà. Si vous voulez aller voir les punchlines qu'il balance sur Facebook, vous allez kiffer, monsieur Eddy Portman. Salut, salut. Salut, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ouais, j'ai une anecdote, c'est un grand moment de solitude. Alors, disons que j'ai ma mère qui a une association. Oui. Qui lutte contre la déforestation au Congo, puisque je suis d'origine congolaise, ça se voit pas à la radio, d'accord, mais dans le podcast, mais voilà. Ça s'entend. Mais voilà. Et du coup, il y a un événement qui s'appelle Villeneuve Africa, sur Villeneuve Loubet, donc sur la Côte d'Azur, et qui en fait regroupe toutes les associations d'origine africaine ou qui ont une cause proche de l'Afrique, etc. Et donc ma mère avait un stand là-bas, et donc ils savent que la présidente de cet événement, celle qui préside cet événement, je suis ami avec le fils, et le fils a fait la pub auprès auprès de ses parents. Mmh. Disant que je fais du stand-up, j'ai mon spectacle, etc. Il m'a moussé, etc. Vous allez voir, il est super drôle, il m'a bien vendu. Et du coup, il m'appelle pour me dire est-ce que ça vous dirait, il y a des animations pendant le truc et avec des musiciens, etc. Ça vous dirait de faire un extrait de votre spectacle sur la tribune devant tout le monde et tout. Je me dis ben chaud pendant l'après-midi, le samedi, là où il y a un petit peu le pic de fréquentation. Donc je me dis bon plan, puisqu'en plus j'ai un spectacle à vendre, donc ça ferait une bonne pub. J'y vais. On arrive le jour même, et en fait le jour même je me rends compte que en fait ma mère, il y a des conférences qui sont là autour de l'événement, et ma mère a une conférence, moi je vais passer à 15h et ma mère de l'autre côté a une conférence à 15h, et c'est moi qui m'occupe, ma mère, c'est les parents immigrés, tu sais, qu'ils savent pas servir d'internet, dites bon pote machin, ils font des conférences mais ils savent pas allumer un ordi, donc c'est moi naturellement qui m'occupe de tout ça. Et donc du coup je me rends compte que l'heure de mon passage de stand-up coïncide avec l'heure de la conférence. Donc je vais voir les organisateurs, j'ai dit il va falloir trouver une solution parce qu'il y a un clash d'horaire. Donc du coup ils regardent, ils reviennent, ils me font pas de problème, on vous met, vous passez maintenant là à 10h du matin. Oh. Donc il faut savoir qu'à 10h du matin, mais c'est les installations, les gens n'en ont rien à battre, tout passe à la trappe. Oh. Je suis là, je me dis je peux pas faire autrement parce que mes parents ils ont clairement besoin de moi pour animer le truc. Donc j'y vais, je me prépare le seum dans l'âme, et en fait dis-toi que pendant cet événement, il y a un animateur, tu sais un peu les animateurs de grande surface, et tout de suite à 11h nous avons l'association burkinabèse qui va faire du djembé qui et dis-toi que moi avant une scène, j'aime bien lire le texte, me mettre dans ma bulle, ouais, etc., ouais. etc. Sauf que là, je suis avec les technicos derrière qui veulent voir si j'ai de la régie, etc. Je dis non, pas besoin. Et le mec, clairement immobile, parce qu'à ce moment-là, il n'y a personne. Il n'y a que des mecs avec des diables et des chariots qui sont en train d'installer des trucs. Et le mec, il me regarde, il me fait « Et tout de suite, nous allons avoir Eddy Portman, jeune humoriste qui va nous interpréter, faire un one-man show, c'est ça et des sketchs, des péripéties. » Juste après, le mec a annoncé une promo sur les saucisses. Il était à deux doigts. Et à un moment donné, moi, je suis là, je suis pas bien, je vois qu'il y a personne, oh. Et je suis dans ma bulle, et le mec s'approche vers moi. Alors, vous voulez peut-être dire quelque chose? Alors, hein, il me tend le micro, j'avais envie de le marave, j'ai envie de me mettre un coup dans la gorge, parce qu'il me saoule clairement. Et là, il m'annonce, comme tu vois, à l'époque, quand on a grandi, t'avais les Patrick Sébastien. Oui. Et il m'a annoncé comme ça, à l'ancienne. Et tout de suite, il dit. Moi, je monte, 3 applaudissements. Des retraités, tu sais, les mecs, ils étaient venus prendre le journal, prendre des croissants, et ils s'étaient arrêtés, ils avaient vu de la lumière, ils sont arrêtés. Là, le problème, c'est que c'est les pauvres pour le public et le pauvre pour toi. Ouais. Ni le public, ni le mec sur scène ne s'amuse, en fait. Mais personne s'amuse. 10 heures, moi, du mat, c'est pas moi, une heure pour faire passer un humoriste. Et moi, j'ai pris un passage où il y avait un petit peu des va-et-vient, où je sollicite le public, sauf qu'il y a personne en face de moi. Ouais, ouais. Et donc, je fais ça va, Villeneuve Africa? Rien. Rien. Pascal, s'il te plaît, on va juste refaire cette phrase là. Je vais la garder. Hein, on va pas monter ça. Pascal, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste nous faire le bruit quand il va dire son truc? Tu nous fais le bruit des grillons. Ça va, Villeneuve Africa? C'était clairement ça. Et donc, merci Pascal. J'arrive, je commence, je vois qu'il n'y a personne. Je me suis mis en mode, vas-y, il faut que, je speed. Pilote automatique. Voilà, pilote automatique. Et là, je vois quelqu'un bien s'asseoir. Et là, en fait, c'était le père de mon pote. À qui mon pote l'avait vendu de ouf. Donc tu vois, c'est c'était le mec qu'il fallait pas décevoir. Voilà. Et le gars, il me regarde. Et à un moment donné, tu vois, je pars, je bafouille, je suis pas bien, je suis en pilote automatique. Et je lance les 2-3 vannes. Tu sais, dans son spectacle, t'as toujours 2-3 vannes. Tu sais que celle-là, c'est ma. Elle marche, quoi. Elle marche. Et je les ai sorties avec tout mon cœur, tout mon espoir. Et il n'y avait rien du tout. Et là, tu vois clairement la déception. Et à ce moment-là, quand je sors la troisième vanne qui était censée provoquer un rire, il n'y a rien du tout. À un moment donné, mon regard croise le regard de ce gars-là. Et il y a, tu sais, clairement, tu vois, la déception d'un père. Tu sais, quand tu rentres à la maison et tu fais le bac. Frère, c'est l'année prochaine, frère. Voilà. C'était clairement ça. Ah. J'ai déçu tout le monde et là, j'étais en mode. Là, il a regardé, il s'est levé, il est reparti, clairement. Oh là là. À un moment donné, moi, je continue en pilote automatique, je vais jusqu'au bout de mon texte. Je me dis, est-ce que je lâche l'emploi milieu ou je vais jusqu'au bout de mon texte? Il dit, je vais jusqu'au bout de mon texte pour l'honneur. Ouais. Tu vois moins, voilà, ouais, c'est ça. Et à un moment donné, je passe comme ça. Est-ce qu'ils t'ont proposé de passer le rattrapage ou pas? Même pas du tout. Il y a des technicos qui viennent avec des diables et tu sais, qui s'arrêtent devant la scène et qui me regardent comme ça parce qu'ils pensaient que j'étais en train de faire des tests. Alors que moi j'étais en train de jouer ma vie, tu vois. Ah ben et oui. Le mec il s'arrête, il me regarde, il me fixe, il regarde comme ça et il repasse parce que clairement j'étais un élément du décor. Et à un moment donné, je me dis, bon, vas-y, t'es quoi, vas-y, je finis. Et là, je croise le regard d'un petit jeune qui, depuis tout à l'heure, rigolait un petit peu à mes vannes et tout. Et clairement, je te dis, à ce moment-là, j'ai joué pour lui. Je lui ai dédié le spectacle. J'ai tout mis, c'était lui. C'est devenu lui. C'était quoi, mon fils adoptif. Je lui ai tout légué. J'ai joué pour lui les dernières vannes. J'ai tout donné, machin, et j'ai fait. Et ce sera tout pour moi. Et j'ai entendu, tu sais, les Slow clap. Je suis parti. Et juste le mec qui m'a fait, eh, c'est pas mal ce que vous faites, vous appelez comment, machin. J'ai dit, Deportman, ajoute-moi sur Facebook. Et il m'a dit, tu te produis où? J'ai fait, sur Nice. J'ai plus envie de... Vrai. Et le pire, la conclusion, c'est qu'après, je remonte, il n'y a même pas l'été, il y avait des gens de ma famille et tout ça, les bénévoles d'association, ils sont même pas venus me voir, tu vois. Ils étaient restés faire leurs trucs, monter les trucs et tout, tu vois. J'ai fait, mais vous savez que... Vous savez que je suis passé là tout à l'heure et tout. Ouais. Et ça machin. Il fait, ah bon? C'est mon père. Ah bon? Tu es passé? Bon, il vit dans un autre monde, tu vois. Tu vois. Et le pire, c'est qu'après, il y avait des gens qui venaient. Il fait, oui, tu fais du. Mon fils, il fait du théâtre là. À chaque fois, c'est pas du stand-up, il fait du théâtre. Et les gens disent, ah, et tu fais du stand-up, etc. Et ma mère qui arrive, qui sort de nulle part, alors qu'elle m'a laissé galérer, machin, elle fait, oui, il fait du stand-up, il fait vraiment, il est drôle, hein, vraiment. Alors qu'elle m'avait laissé en galère pendant 15 minutes là-bas ça, tout c'est seul. C'est les parents, ça, tu vois, c'est les parents, ils te soutiendront no matter what. Ouais, tu vois, ils sont à fond avec toi. Voilà. Ça, c'est les parents, c'est l'amour des parents. C'est les parents africains, mais ils soutiennent, mais. Et quand ils viendront pas te voir. Mais ils viendront pas te voir. Mais on soutient. Donc voilà, c'était mon grand moment de solitude à Villeneuve Africa. En tout cas, merci beaucoup. On peut te retrouver sur Facebook avec tes punchlines de ouf. Ouais, je suis fan, vraiment, je Eddie Portman. Et voilà, j'ai mon spectacle Ça passe crème que joue sur Nice. Donc voilà, lâchez un like sur ma page et il y a tout mon actu. Et voilà, nos plateaux avec Grosse Prod. Exactement, avec petite dédicace. Plaisir. Bon, bah nickel. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note sur 5 étoiles si vous êtes sur iTunes. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Galère d'humoriste. Bis à tous, même à toi là-bas.